On connaît le son, c'est le nôtre, c'est pas un autre. Sniff des rats et un train pour cacher un autre. Je suis en mode meilleur, balayeur, Delphi. Mardi, si je suis en mode envie de m'arracher ailleurs, j'ai le power. Pendant d'autres s'affichent, ma tête à l'affiche. J'ai des fans qui crient de t-shirt en mode official. Ne me pousse pas à tuer, je suis en mode chiche. Je suis plus de hachiche comme ton père, je suis en mode chicha. Hostie, moi-même et l'attitude du MIC. Je tire de suite en partie, tu catastrophe. Je vais chanter mon petit tube. Je lâche un message que tu prends direct de la banlieue sud. Rail suprême. La province vient briquer sa life sur du banditisme moral, tu peux pas tester. Tu sais que c'est ici c'est y'a une nocturne sur du rang au monde sur la province vient briquer sa life sur du banditisme moral, tu peux pas tester. Tu sais que c'est ici c'est. Ton mec est taillé comme une armoire, on s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Tac Vador, on a pris 40 grégousses. Que des faibles parmi vous, la forêt est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ok, yeah. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Boys. Yeah. Holla, holla. Holla, we the boys. Holla, we the boys. Holla, holla, holla. We making noise. Holla. Holla. Baking soda, I got baking soda. DJ K's Skyrock, Rail Suprême. I'm blowing money fast. I'm blowing money. J'ai la joie de vivre camoussé dans ma résidence.

Bon, ça donne envie de se marier tout ça, hein. Ou d'être invité à un mariage. Soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Sorry, souffle, cabane, Napolitano. Les carahmaï d'Ari, Khalil, l'Adien, les Gourou. Les Hagouni, l'Dari, Khouyad, l'Gashi, Malou. Tenia, Paratini, Belle, l'Adien, les Banou. Sorry, souffle, cabane, Napolitano. لكاها ما يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا بالغاشي مالو دنيا قراتني باللي العديان يبانو عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو ريسكي ونفوجي العقلية الباتشينو عطر الرضا طالياني وهرن ولا ميلانو ريسكي ونفوجي العقلية الباتشينو Bima et Albandi qui sont dans les parages et qui sont sur la compile Paris ou à New York. شبي براها غير ترسكي وانت عليا راك غتشكي داخلها ويسكي قالت الشي راهي ترشي الراجل ولا غير تاع شيشي غير شيشه ولي سوشي دو ما تاتش تخد سوشي حبسوا لي سوختي كلشي ولا حرام بلاد الشيطان ولي بوسي فرباليزيا في لي شونزيليزيا ما بيش تضرب لاسي واكو فا باناليزيا عربوش مي كحلوش باين يردونا وحوش فيلا نوي كنقا ابوكا بغي لي ماكسي تخلوشا بزاف الحلوشة فالي راها مشلوشة افاك ما تدعب بأب وتسيب نكون انوشة عندي دمي توزي جزائري مغربي صحراوي شاوي حمراوي كي ربي وهران وباري سموني ابوكا تما وعرفت تشوكا شلو بلاد دافيك لي فخير اون في لا فيدا لوكا الواحد تشوف فالي غاني راني تيعي لا بلوش الزيت راهي دور سون بيتي بلاد الشيطان خويا سي لا فيغيتي باري اورا نيويورك Bientôt dans les boîtes. N'écoute pas la lila, elle est en route. Rani Feris, je fais mon bis. تحدي ستار وستار لامبورغيني جات لعندي قلت ليها برانيك ستة صباح نتلاقاو في الكباريك Abusé, même vous mesdames, pour vous amuser. Polygame.

عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والربط صغبيا يا لي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والربط صغبيا هاي سوبريم هاي سوبريم ديجي كي سو سكايروك Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein, mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le Quentin Philippin, pas un euro je vais sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin et je suis à Punta Cana. Ok, on y va. Révolution bientôt dans les bacs aussi. Le 18 mai. Ouais, ouais, ouais. Pas les chiffres du loto, un concert à Bercy sur la scène, je ramène des motos. On est auto, VIP ramène l'auto, la belle chute de l'alcool et VIP dans nos locaux. Mais les tous resserrés, t'es disparu comme Eto. T'as des gros métaux, mais t'es pas un mec du ghetto. On est tous en place et t'as pas d'amigo. Nous sommes chez nos chill, c'est leur chez ça, amigo. C'est vrai que j'en rigole, toto, c'est pas le même niveau. VIP, Cassis, Family, baisse les rivaux. Baisse les rivaux, toute la nuit, je veux en découdre. Pour l'instant, on est sur écoute. J'avance, j'vois plus rien sur ma route. C'est une putain de connerie. Hier j'ai au max. Moi, comme mal. Grosse dédicace pour DJ Kays. 5-6 lions mis et après je me casse. Ça s'appelle crabe la poutre, qu'à Franck Lucas. 1, 2, 3, 4 buts et après je me casse. Bad mec au René, ça tu me les casses. Sable rosé, la bicrave et les cassettes. C'est notre 9-4, ça pisse les dabis. Investi dans la bière, le crack et le cannabis. Je porte toutes les mains en l'air, tout le monde sur la piste. Derrière nickel mon mère, me faites pas la piste. Chez moi c'est la guerre, on peut pas faire autrement. Fuck ceux qui volent pas ta putain d'armement. Je vais tous les allumer, clic clic, brah, ou catabra. Levez les bras. Ça suffit pas. J'en ai absolument rien à battre de ta hip. Je l'ai en elle comme ma lead, même si votre cam en ir. Jean Pépé, t-shirt Skyf. La serveuse a du mal à calculer le tarif. J'ai la peau dorée, Armand de Brignac. La grosse fête en bois, nous dans une grosse baraque. Paris au rang New York. Soir, c'est Kesh Mara. Pour mes albis, on niquait Bambara. On va le cas comme Diawara. Trois Boumara. Comme Oussama. J'ai ce qu'il faut dans le débarras. Ils sont dans l'embarras. On force les routes barrées. On joue en train de la pour décoller. On est barré. Big up à Pépé à tous les drames. Soir, c'est tout le monde en train de banque. Qu'on va cramer. Gat-gat-gat-gat-gat. Levez-les tous, ouais, ouais, c'est le Tsukataka. Non, je suis avec Tirgo, je suis avec Albandi, ouais, ouais, je suis avec DJ Kays. Skyrock, le Graal suprême. Mais levez-les tous, ouais, ouais, c'est le Tsukataka. J'ai dit non, mais c'est pas les bras. Mais levez-les tous, ouais, ouais, c'est le Tsukataka. Bandito, wesh DJ Kays. Laisse qu'on mouette la douane. Alger Wahran, Kaza Tétouane. Et moutou à l'Elkif, Kaoulé Derrif. Ismi Younes, Fichater Tounes. Oulet Kabaria, Oulet Sidi Hassin. Ismi Yukataka, Ougataka. Pario en New York, Pario en New York. Dédicace à tous, tous ceux qui sont en train d'écouter l'émission, en train de cramer dans leur voiture. Aïe aïe aïe, bye bye night. Tous les frères et sœurs incarcérés, me péter le son par la fenêtre. Bien ou pas, Mister Rick, comment tu vas? C'est un mec qui service à te demander. Alors tu vois, il y a une petite meuf dans 19, lui laisser les clés d'une du roi. Mais je sais pas, je lui fais plus confiance, te plaît, arrête de parler pour moi. Dès que tu les as direct sortis, tu les passes à appel. Tu les passes à souris, car lui seul sait où se trouve l'hôtel. Où est planqué la secret, ensuite tu me le passes au tel. Lui me dira si c'est ok, si t'en as tous les bordels. Puis appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que tu appelle-le, il comprendra. Dis-lui que moi j'ai des courbatures, mais que le colis a été livré, classé par Paris, en New York. Capter, hein. Okay, bientôt dans les pattes. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ga-ta-ga. Ce soir le jean. Je me réveille, c'est pas le frère. Renouna dans les yeux, je me tire et je roule en serre. Je suis dans le coltard, ta wesh plane dans les airs. Comme d'hab, y'a rien à faire, la misère, la galère. J'ai mal aux dents, je me les brosse et me fais un bain de bouche. Hachette, je fais yesh et je tape une bonne douche. J'avoue la liberté, affiché. Y'a que l'entraîneur qui a le droit d'être gardé sur le banc de touche. Les minuit pile, il va falloir quitter la ville. La volonté, champagne et sky. Soir, son vomi de la ville, dis-leur la mine, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Quand je vais en Afrique avec du fric, je pourrais claquer, je sais pas combien, je veux voir toutes les mains en l'air. Soir, ce c'est la guerre, le fils de la pute molaire. L'infection les plus molaires, je fume trop dit la rappel. J'arrête son Marrakech, j'ai frère qui m'aime. Monsieur, ceux qui m'aiment pas garder la pêche. C'est Rail Suprême. Jusqu'à la fin, après j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night.

soir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Chez moi, mère porte, on lise Carthage. Voulez la terre de ma mère, la terre de mes pères. Mais ben, frérot, assis-toi. Oui, on est fiers, mais on reste des frères. Pas de manière, chez moi, c'est chez toi. Passe par la pommade, on est trop vrai. Y'a pas de showman, tu vas te faire trop mal. Frérot, en route, vers le progrès. Trop de personnages, ça c'est ma coma. Ça ferait typique, petit plaque épique. Et si, tous vont, tous achètent. L'ambiance est ludique, tu connais la gimmick. C'est bip-bip, là, on s'achète. Personne t'importe une haine. Demain c'est le ride. Ma boucle, le costume haine. On parle vrai, on parle de paix. Chaque été on vient s'amasser. On parle en vrai, on parle en gay. Parti de Rami, petit fricassé. Hey, y'a khadra, fok, la l'hadra. Khelli, bark, rabbi, sehel. Comme un taraji, le friri. Glebe, spirxi, l'étoile du sehel. Hey, sahbi, viens faire un tour. Chemin de ta barca, alhamma. En taxi, ami, chifour. Khelli, emchi, dabba, dabba. Skyrock.